Coronavirus et revisiter sa vision de la santé. Voilà le sujet que je vise à traiter aujourd'hui dans le cadre de l'enregistrement présent. Mais juste avant de l'aborder, je veux vous mentionner que si vous m'écrivez sur mon compte Facebook personnel, dont vous retrouvez les coordonnées en bas de l'enregistrement présent, eh bien, je me suis rendu compte récemment qu'il y avait une fonction de filtrage en lien avec le compte Facebook qui fait en sorte que si des gens vont m'écrire en privé, ça se peut que je ne reçoive pas directement les messages, donc qui n'apparaissent pas sur ma page principale. Donc, un peu comme une fonction de filtrage qu'on peut retrouver dans une boîte de messagerie courriel. Donc, si vous m'écrivez par Facebook en particulier, donc en privé, et que vous n'avez pas de réponse de ma part, eh bien, je vous inviterai à m'écrire par courriel aux coordonnées de l'adresse qui figure en bas de l'enregistrement, étant David Lévesque Supra, acommercial@hotmail.com, parce que pour ce qui est de ma boîte courriel, eh bien, je vais vérifier cette dernière régulièrement et plus particulièrement la section pourriel. Ça, je le fais là depuis plusieurs années parce qu'une fois de temps en temps, il y a une personne d'entre vous qui va m'écrire, surtout des nouvelles personnes, et le message va aboutir dans la section pourriel de cette dernière. Donc, j'y prête attention. Je vais la vérifier. Donc, c'est sûr que si vous n'êtes pas capable de me rejoindre par Facebook, ne paniquez pas, écrivez-moi plutôt par courriel, et si vous n'êtes pas capable de me rejoindre par courriel, habituellement, je vais vérifier mes pourriels, mais sinon, au pire aller, eh bien, vous pouvez m'écrire aussi par Facebook. Donc, ceci dit, je voulais rajouter aussi que s'il y en a qui apprécient particulièrement les enregistrements que je rends disponibles au public, parce qu'il y en a après tout plusieurs centaines présentement de disponibles sur YouTube, eh bien, vous pouvez, c'est sûr, me faire parvenir un don, une contribution financière en lien avec l'appréciation par rapport aux enregistrements que je produis. C'est sûr que vous pouvez m'acheter aussi des enregistrements privés qui s'adressent à un public restreint. Donc, il y a différentes façons là, pour les gens qui en ont envie de m'apporter votre soutien à mes activités de diffusion web. Parce que après tout, même si le coût de l'essence a baissé ici au Québec d'une manière incroyable, on est rendu présentement à 87 sous du litre. Ça fait partie des effets de la crise du coronavirus. Eh bien, le coût de l'Internet que je dois payer pour mettre les enregistrements en ligne n'a pas diminué simultanément, malheureusement. Donc, c'est ça. S'il y en a qui apprécient particulièrement mes enregistrements audio, eh bien, vous pouvez me faire parvenir de l'argent. Ceci étant mentionné, là, j'aborde le sujet d'aujourd'hui. Coronavirus, c'est revisiter sa vision de la santé. Eh bien, l'opportunité de la crise mondiale que nous vivons présentement en lien avec le coronavirus, au moment où sont prononcées ces paroles au micro, peut être l'occasion de revisiter sa vision de la santé, sa conception de la santé. Donc, on est bouleversé par la menace d'un virus qui serait supposément plus létal que les virus habituels, que ce soit la grippe saisonnière, selon les autorités officielles et les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il est question que 3,5% des gens qui vont contracter le virus vont en mourir, selon ces chiffres, alors qu'habituellement, la grippe saisonnière, c'est 0,1%, donc une personne sur 1000 environ. C'est sûr qu'entre 3,5 puis 1 sur 1000, il y a un écart immense. Ça, c'est selon les chiffres officiels de la médecine présentement. qui est véhiculé par le milieu universitaire, les autorités officielles. Mais qu'en est-il réellement? Qu'en est-il aussi de la vision de la santé qui nous est présentée par la science cartésienne versus le réel de ce qu'est la santé? Donc, c'est ce type de questionnement-là que je veux vous amener aujourd'hui, je veux vous proposer, parce que la crise du coronavirus m'a amené à revisiter ma vision de la santé, qui est en relation avec un conditionnement social qui a été véhiculé, entre autres, par les médias. Et c'est sûr que lorsqu'on se conscientise, on développe une capacité de remettre en question toute chose. Comme parlait Bernard de Montréal dans ses enregistrements sur destruction, donc qui a initié le mouvement de la conscience supramentale, il était question que l'individu qui se conscientise développe une capacité de critique absolue. Donc, remettre tout en question. C'est sûr que si on met ça en relation avec le principe qui a été avancé, à savoir de ne pas croire, eh bien, à ce moment-là, on peut remettre tous les a priori, tous les éléments qu'on nous amène à prendre pour acquis, à adhérer spontanément, et tout remettre ça en question. Donc, c'est un exercice que j'ai fait dans les derniers jours. Et c'est sûr que par rapport à l'enregistrement présent, bien entendu, je vous invite, à l'égard des propos tenus, d'exercer aussi votre esprit critique. Parce que, après tout, je vous invite à rien croire. Donc, pas croire ce que je dis, pas croire ce que les médias de masse disent également. Différents intervenants aussi sur Internet, mais ça peut être pertinent de prendre en considération différents éléments. Dans le sens que présentement, il y a des gens qui véhiculent une compréhension de la maladie, une vision générale de la santé, du coronavirus, qui est très, très, très différente de ce qui est présenté dans les médias de masse. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, il y a certains intervenants que je vous propose de consulter qui ont nourri dans les dernières heures les études que j'ai faites par rapport à... Je me suis posé des questions, hein, à l'égard de la nature du virus, à l'égard de plusieurs choses. Et parmi ces gens-là, eh bien, je vous propose de consulter, c'est sûr, il y a entre autres Irène Grosjean, qui est naturopathe depuis 1958. Donc, ça fait au-dessus de 60 ans qu'elle pratique la naturopathie. Donc, c'est une dame qui est âgée aujourd'hui de 90 ans, mais toujours lucide. D'ailleurs, vous pouvez la voir en vidéo sur Internet. Donc, elle a fait un enregistrement récemment. Et vous allez trouver le lien qui s'y rapporte, également les liens aussi qui se rapportent à d'autres enregistrements. Donc, qui ont été produits par d'autres figures de la pensée alternative, parce que présentement, les médias véhiculent des informations rapidement sur le coronavirus, mais quand on est dans le feu de l'action, puis l'information, ça va vite, puis on met l'emphase sur certaines choses, eh bien, si on adhère à ça spontanément, on n'exerce pas notre esprit critique, c'est facile d'être déstabilisé, c'est facile d'être décentré aussi. Et à quelque part, les médias de masse présentement présentent une vision partielle du réel. Il y a d'autres éléments aussi qui existent, puis c'est sûr qu'ultimement, ben, je vous invite à faire preuve de discernement, puis d'évaluer par vous-même en fonction de votre sensibilité, votre capacité de lecture, puis d'avoir une autonomie psychique. Donc, par rapport à Irène Grosjean, donc les enregistrements que je propose d'écouter d'elle, bien sûr, c'est Irène Grosjean, coronavirus, c'est Connard Rovirus, a voulu faire un petit peu d'humour, ou coronavirus. Et elle a un autre enregistrement aussi qui donne une vision générale de sa compréhension de la santé, guidée vers la guérison et la pleine santé. Donc, vous allez avoir les liens en bas de l'enregistrement présent. Il y a aussi Jean-Jacques Crèvecœur qui a fait, c'est sûr, une série d'enregistrements en lien avec la crise actuelle associée au coronavirus. Donc, Jean-Jacques Crèvecœur qui a été une figure marquante en relation avec la crise du H1N1, donc par rapport à cette pandémie qui avait été annoncée et qui a été au Québec une figure qui s'est opposée à la vaccination massive par rapport à cette menace qui nous a été présentée. Donc, il a fait plusieurs enregistrements, dont celui-ci que je vous propose d'écouter. Il s'intitule CDL-29-coronavirus, le management par la terreur. Conversation du lundi, donc numéro 29 en particulier. Sinon, bien entendu, il y a Thierry Casanova, qui est un YouTuber qui présente beaucoup d'informations en lien avec le domaine de la santé, un peu comme Jean-Jacques Crèvecœur. Et lui s'intéresse entre autres au jeûne, à l'alimentation. Donc, il a fait une vidéo en particulier qui s'intitule « Coronavirus, pourquoi nous ne sommes pas en guerre? » Live du Nouveau Monde du 25 mars 2020. Donc, vous allez avoir le lien en bas de l'enregistrement. Il y en a fait plusieurs aussi en lien avec le coronavirus. Et il y a celui-là en particulier que je trouve intéressant. Sinon, bien entendu, dans le domaine de la pensée alternative, il y a aussi André Moreau, philosophe jovialiste québécois que j'apprécie et qui a mis en ligne récemment un enregistrement qui s'intitule « Coronavirus ». Tiré, docteur André Moreau, c'est un docteur en philosophie, donc philosophe jovialiste, donc en un enregistrement spécifique par rapport au coronavirus qu'il a fait, que je propose d'écouter. Sinon aussi, dans le domaine de la pensée alternative, il y a Radio-Québec avec Alexis, qui présente différentes vidéos. Et Alexis, ben c'est sûr que lui, il va présenter des informations en lien avec des articles de journaux. Des fois, il va attirer nos attentions sur des choses auxquelles on ne va pas regarder ou approfondir. Donc, je vous propose en particulier l'enregistrement qui s'intitule « COVID-19, deux points, hécatombe en Italie ». Donc là, je vous ai présenté plusieurs YouTubers qui m'ont amené à m'arrêter sur certains points en lien avec le coronavirus. Donc, puis ça nourrit, c'est sûr, dans les derniers jours, mon esprit d'écouter ça. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je ne peux plus aller m'entraîner en salle. Je suis limité, comme beaucoup d'entre vous, dans mes déplacements. Mais je ne donne pas le pouvoir au coronavirus de me limiter psychiquement. Et non plus aux médias de masse, là, parce que présentement, les médias vont mettre l'emphase sur certains éléments. Et vont dire, par exemple, que présentement, il y a beaucoup de gens qui meurent en Italie à cause qu'ils sont contaminés avec le coronavirus. Puis par rapport à ça, ce qui est important de savoir, c'est de regarder comme il faut les faits. On peut les regarder calmement. Et quand j'écoutais la vidéo sur Radio-Québec auquel j'ai fait allusion, et bien, il était question d'un article par rapport au Télégraphe. Donc, ça, c'est par rapport à un journal en Angleterre. Vous allez avoir la référence en bas de l'enregistrement qui nous amène à mettre en contexte comme il faut les informations présentées. Donc, lorsqu'on nous dit qu'en Italie, il y a un taux de mortalité qui est élevé, la situation est grave, la situation est problématique, puis on met l'emphase là-dessus, puis il faut, à quelque part, contextualiser comme faut l'information. C'est-à-dire que quand on parle de la grande quantité de morts en Italie, oui, il y a plusieurs morts, personnes qui sont mortes, ça je ne nie pas. Par contre, il faut mettre en contexte que en Italie, il se retrouve l'une des populations les plus âgées dans le monde. Donc ça va avoir une incidence. Parce que c'est sûr que plus que les gens avancent en âge, plus ils sont susceptibles de mourir d'un virus, au même titre que de la grippe saisonnière ou tout autre élément qui pourrait nuire à leur santé. Donc s'ils sont fragilisés, en relation avec le processus du vieillissement, ben, c'est sûr que ça peut avoir ça comme une incidence. Autre élément, dans l'article, il est question de ceci. Tu vois que la raison qui fait en sorte que les gens meurent plus en Italie, par exemple, qu'en Chine du coronavirus, c'est que la population est âgée en Italie. L'âge médian des patients est de 67 ans, alors qu'il était de 46 ans en Chine par rapport aux patients hospitalisés en lien avec le coronavirus. Donc, c'est sûr que le fait qu'ils sont plus âgés augmente la létalité. Et ça, vous pouvez vérifier l'article auquel il est question en bas de l'enregistrement présent. Bien sûr, vous ne croyez pas sur parole. Faites vos recherches. C'est sûr que aussi, ce qui est question, c'est que la quantité de nombre de décès en lien avec cette pandémie apparaît élevée, étant donné la manière que les médecins à cet endroit enregistrent les décès, parce que d'un pays à l'autre, la façon d'enregistrer les décès, c'est pas nécessairement pareil. Donc, c'est sûr que la façon que sont calculés les décès est très généreuse, nous explique l'article. C'est-à-dire que toutes les personnes qui meurent dans les hôpitaux avec le coronavirus sont réputées mourir du coronavirus. Alors qu'en réalité, il y a des gens parmi eux qui avaient déjà des problèmes de santé. Donc, c'est sûr que si, par exemple, une personne a déjà une pneumonie et le coronavirus affectant particulièrement les voies respiratoires décède, ben, elle va être considérée par la suite d'être morte du coronavirus. Et il était question en lien avec ça dans l'article, lorsque je le regarde, qu'il y avait seulement 12% des morts relatées qui avaient comme cause directe le coronavirus. Tandis que la plupart des gens avaient déjà d'autres problèmes de santé là, en lien avec ça. Donc, c'est sûr qu'au pourcentage, ou en fait à la quantité de personnes élevées qu'on nous rapporte en Italie, bien en réalité, si on parle de 12%, c'est même pas l'essentiel de ces gens-là qui sont morts juste du coronavirus. Donc, il faut mettre les choses en perspective, puis pour faire ça, bien, ça prend du temps. Il faut faire des recherches sur Internet, il faut vérifier les sources. Comme je l'ai fait par rapport à cet article, parce que selon l'article auquel je fais allusion, qui provient du quotidien d'information britannique de Telegraph, ben c'est selon Walter Ricciardi, qui, dans le fond, est un scientifique, là, un conseiller scientifique du ministère de la Santé, là, je suis en train de lire de l'anglais, en le traduisant naturellement, parce que l'article est en anglais, qui nous indique ça. Donc, ça nous met un peu plus en contexte l'information. Donc, ça, c'est quelque chose que je propose aux gens de faire. Et puis, c'est sûr que c'est important de mettre les choses en contexte parce que sans ça, on va vibrer beaucoup à la peur. Donc, c'est sûr que, par exemple, par rapport à la réalité du Québec, et ça, vous pouvez vérifier ça en bas de l'enregistrement présent également, eh bien, par rapport à la mortalité, par exemple, de la grippe saisonnière, comme le faisait allusion celui qui s'occupe de la chaîne Radio-Québec, là, Alexis, auquel je faisais mention quelques instants, dans sa vidéo, il était question d'un article du Journal de Québec où il est mention que 22 décès par jour causés par la grippe en janvier dernier. Le virus de la grippe a été virulent l'hiver dernier, causant pas moins de 22 décès par jour en janvier, selon de nouvelles données dévoilées au moment où la vaccination bat son plein. Eh bien, je fais référence ici, je viens de lire un passage d'un article qui a été publié en 2015. Donc, on disait qu'au Québec, eh bien, il y avait 22 décès qui se produisaient par jour environ au mois de janvier, donc en 2015. Et aujourd'hui, avec la grippe du coronavirus, on n'en est pas là, naturellement. Donc, c'est sûr que présentement, il y a plusieurs personnes qui disent que la quantité de décès attribués potentiellement au coronavirus ne sera pas nécessairement, en fin du compte, aussi dramatique aussi grave, en fait, que c'est annoncé. C'est-à-dire que probablement que ça va ressembler à la grippe saisonnière qu'on connaît en Occident. Donc, il y a des gens qui avancent ça. Je dis pas nécessairement que c'est la réalité, mais je mentionne, je faisais allusion à un article du Journal de Québec. Donc, j'ai fait mon travail de vérification. J'ai été sur Internet, j'ai retracé le lien précis de cet article journalistique. Donc, c'est sûr que ça permet de voir que la grippe a beaucoup d'impact, mais en 2015, la grippe, on en parlait un petit peu dans les médias, mais pas à tous les jours, avec des bulletins spéciaux qui sont faits. On a eu des bulletins de nouvelles au Québec là, sur les ondes de TVA, créateur d'émotions, je vous rappelle le slogan, pas créateur d'intelligence vibratoire, non. Créateur d'émotions, où les bulletins de nouvelles, au lieu de durer une demi-heure, duraient au total une heure. Puis c'était vraiment des bulletins nouvelles spéciales sur le coronavirus. Donc, c'est sûr que la façon que sont présentées les choses dans les journaux ou les nouvelles, ça va mettre l'emphase sur certains éléments plutôt que d'autres. Donc, à ce moment-là, ben c'est sûr que c'est important de bien contextualiser l'information. Donc, voir si, par exemple, par rapport à la crise actuelle qui est dépeinte dans les médias, par rapport au coronavirus, est-ce que ça a une ampleur réelle qui est plus grande que, par exemple, les situations de grippe saisonnière dans les années précédentes? Pour contextualiser l'information. Ça, c'est au niveau de l'intellect, là. Ce que je vous mentionne dans les dernières minutes, au niveau de l'analyse d'articles, ça, c'est de l'intellect. C'est associé à une démarche réflexive, mais on peut aller au-delà de ça aussi, dans une démarche vibratoire, dans une démarche fondamentale. Et là, c'est sûr que ça va loin. Puis là, ça devient intéressant. Si on pense, entre autres, au philosophe jovialiste André Moreau, qui est un immatérialiste, donc dans sa compréhension des choses, la matière n'existe pas. Et il a développé toute une philosophie pendant plusieurs années en lien avec ça. Et il a développé aussi de l'avant certains adages, comme par exemple, il n'y arrive à un homme que ce qui lui ressemble, ou on peut dire une femme aussi, faut pas être sexiste aussi. Donc, s'il arrive à un être humain ce qui lui ressemble, au niveau de la métaphysique, donc au-delà des considérations physiques, parce qu'il y a une conception unitaire d'un univers, donc c'est sûr que dans un contexte comme ça, tout est interrelié. Donc c'est sûr que s'il arrive à un être humain ce qui lui ressemble, c'est de voir est-ce que pour une personne d'attraper le coronavirus, ça lui ressemble. Est-ce que, un peu comme par exemple dans naturopathie, il va être question pour certains de ses tenants que tout est le terrain. La maladie n'est rien sans le terrain propice pour le recevoir. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, ça revient au principe que tout est reçu selon la forme du récipient. Donc, c'est sûr que à quelque part, par rapport au coronavirus, il y a des éléments qui s'appliquent avant de sombrer dans la peur puis dans la panique. Parce que c'est sûr que si vous écoutez à chaque jour les bulletins de médias, puis on nous dit que le nombre de morts a augmenté, puis il y a une façon choc de le faire aussi. Donc, c'est sûr que si, par exemple, vous écoutez un animateur à la télévision qui vous dit « On vient d'apprendre aujourd'hui » que la pandémie mondiale vient de franchir le cap des 500 000 personnes atteintes. Je le mentionne en mettant l'emphase là-dessus. Aujourd'hui, la pandémie a franchi le cap du demi-million de personnes qui est atteinte. Puis on met l'emphase là-dessus, puis on répète l'information, la reformulant, en mettant l'importance sur la quantité de gens qui sont atteints. Puis ça augmente de chaque jour avec, il y a un compteur présentement sur Google, vous pouvez regarder ça, puis là, il y a une augmentation d'ombre en heure, puis là, à un moment donné, c'est 500 000, 600 000, 700 000, puis on met l'emphase, la quantité qui augmente, comme si on était dans une situation où on allait assister aux dernières heures de notre civilisation présente, parce que ça augmente, puis c'est comme si on avait perdu le contrôle sur la situation collectivement. Quoique, à quelque part, l'être humain n'a pas nécessairement un contrôle réel par rapport à la nature, par rapport à l'événement, parce qu'il ne comprend pas les lois d'énergie fondamentales qui régissent la Terre, la réalité physique, et ainsi de suite. Tant que l'être humain a une compréhension limitée du réel, ben à ce moment-là, il est limité dans sa capacité d'interagir avec le réel, d'agir dessus. Ça, c'est une autre question qui vient, mais je veux dire, c'est qu'on nous présente les choses d'une certaine façon, mais on peut regarder les choses aussi autrement. C'est sûr que, comme par exemple, André Moreau, puis là, j'écoutais sa vidéo récemment, l'avait dit à Julie Snyder dans le cadre de l'émission du Point J, elle lui avait posé la question « Monsieur Moreau, est-ce que vous protégez? » Elle faisait référence par rapport à se protéger lorsqu'il y avait des activités sexuelles à l'égard de la menace du sida. Puis il a répondu du tac au tac « Non, parce que je me sens pas menacé. » Donc, sentez-vous menacé par le coronavirus? Est-ce qu'un virus peut vous menacer? C'est une question à se poser. Parce que c'est sûr qu'en lien avec ça, il y a des raisons de programmation. Donc, c'est sûr que ça n'engage que moi, là. Je dis pas de croire à ça. Mais en ce qui me concerne, chaque maladie porte un taux vibratoire et chaque être humain aussi. Et un peu comme pour la pensée, les êtres humains ne peuvent pas intercepter des pensées de taux vibratoire qui sont différents ou en décalage du leur. Parce que, en réalité, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc, si quelqu'un vibre à quelque chose, eh bien, il va avoir une affinité par rapport à ça. Donc, si, par exemple, quelqu'un vibre à un état de tristesse, ben, il va peut-être avoir, à ce moment-là, une facilité à écouter de la musique triste parce que ça va rentrer en résonance énergétique avec son état. Au même titre que si quelqu'un se lève le matin, puis il est dynamique, il est enjoué, peut-être qu'il va se mettre à écouter de la musique dance, de la musique disco, pour être l'extériorisation de l'état interne qu'il connaît de dynamisme. Puis des fois, ce qui arrive aussi, c'est que la personne, elle s'entriste, puis au lieu d'écouter de la musique joyeuse pour sortir de cet état-là, ou d'écouter un enregistrement supramental pour lui permettre d'avoir accès à une neutralité psychique, ben la personne va écouter une chanson larmoyante de peine pour se renforcer là-dedans. Mais ça appartient à chacun. Il y a des gens qui ont du plaisir à se complaire là-dedans, mais bon, ça leur appartient. Mais rien que le coronavirus, si on regarde, par exemple, une personne comme Irène Grosjean, qui, elle, a une conception particulière de la santé, en étant naturopathe, puis il y en a une vaste expérience, on parle d'au-dessus de 60 ans, ben elle dit, l'important, c'est la force du système immunitaire, de ce que je comprends de son propos. Puis quelqu'un qui a un système immunitaire qui est fort, il n'attrapera pas le coronavirus. Puis, elle, c'est sûr, elle s'oppose, de ce que je comprenais, à la vaccination. C'est sûr que par rapport à la vaccination, c'est un sujet extrêmement délicat. Et parce que, dans le fond, il y a des enjeux économiques. Mais ce qu'il faut se poser comme question présentement, est-ce que le coronavirus... Si la personne est cohérente psychiquement, est en santé, est-ce que le coronavirus est une menace réelle pour elle? Et est-ce que aussi la conception du virus comme étant une menace, comme quelque chose d'extérieur à soi qui est là pour nous attaquer comme un monstre? Puis là, les gens ont peur, puis il faut se tenir à 2 mètres des autres, puis si on l'attrape, on peut mourir, puis on met l'emphase là-dessus, comme si on était en plein film d'horreur, puis on se faisait attaquer par une horde de zombies. Est-ce que c'est pertinent? C'est des questions à se poser. Est-ce que quelqu'un qui a la vibration que son destin, c'est de pas mourir présentement, au niveau de son esprit. Puis c'est sûr que c'est délicat par rapport à ça parce que les gens peuvent se raconter des histoires. Tant que l'ego n'est pas assez transparent, l'ego n'a pas une mesure réelle de lui-même. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est facile au début du processus de conscientisation de s'illusionner sur soi et à ce moment-là, de croire à certaines choses qui ne sont pas nécessairement ajustées au réel. Mais par rapport à ça, c'est sûr qu'il y a eu des aphorismes, des pensées qui ont été développées qu'il faut regarder. Comme par exemple, André Moreau qui mentionne « On ne peut pas tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir. » Donc, en lien avec ça, ben, il faut regarder est-ce que fondamentalement, consciemment ou dans les volets de nous-mêmes qu'on ne veut pas voir, est-ce qu'on veut vivre ou on veut mourir? Ça, c'est un autre aspect parce que il y a des gens qui sont présentement déprimés qui, dans le fond, n'ont pas nécessairement une envie qui est centrique dans leur être de vivre. Donc, c'est sûr que si les gens n'ont pas envie de vivre, ben à ce moment-là, ils peuvent ouvrir la porte au virus ou à la maladie. C'est un élément qui peut être possible de prendre en considération. C'est quoi l'intention fondamentale de la personne? Puis pour être ça, ben, il faut être clair au niveau de l'ego, il faut être clair dans son intériorité. Parce qu'il peut y avoir un auto-sabotement, ce que certains appellent la nullité. Donc une personne peut dire en surface qu'elle veut vivre, mais si elle dit qu'elle veut vivre, puis elle est à moitié morte, puis elle n'a pas d'énergie, ben là... Tu sais, si la personne n'a pas une centricité, une clarté interne sur ce qu'elle veut vraiment, ben, elle peut être pro au virus. Puis c'est sûr que présentement, en lien avec ça, puis ça c'est au niveau métaphysique, il faut prendre en considération la nature du terrain, la nature de l'individu, à savoir est-ce que c'est un réceptacle énergétique qui va être en ouverture, en disponibilité au virus. Puis, est-ce que c'est le virus en tant que tel qui est le problème? Ou, ça c'est un autre élément, ou une occasion de réaliser des failles ou un déséquilibre au sein de la personne? Un symptôme d'une en fait, le virus peut être l'occasion, si la personne en est atteinte, de réaliser qu'elle a des déséquilibres en son sein, des zones qu'elle ne voyait pas. Puis la personne, elle peut croire qu'elle est en santé puis cohérente, ben, le fait qu'elle a le virus lui donne, à ce moment-là, l'opportunité de réaliser c'est quoi ses failles ou des désajustements. C'est sûr que quelqu'un qui est aligné, qui est centrique, il est moins disponible à attraper un virus. C'est sûr que si la personne n'est pas centrique et la personne est en décalage avec ce qu'elle a à faire dans sa vie, puis est en déséquilibre, ben à ce moment-là, ça peut ouvrir la porte à un virus qui va la déséquilibrer pour l'amener éventuellement à un nombre plus grand. Puis si elle n'est pas capable de s'ajuster, ben à la présence du virus, c'est sûr qu'elle peut en décéder. Par contre, c'est de regarder les choses par rapport à ça. Il y a une vidéo intéressante que fait Thierry Casanova où il était question... que, à quelque part, pour lui, la maladie n'existe pas. Et là, je vais mettre le lien en bas de l'enregistrement. C'est-à-dire que ça revient à dire que la maladie, c'est une vue de l'esprit. Parce que lorsqu'on a des symptômes de quelque chose, que ça soit une inflammation d'un membre, que ça soit, par exemple, même une tumeur d'un cancer, ben, c'est en relation avec le symptôme. C'est comme une alerte que nous fait notre corps pour nous indiquer qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui manque d'ajustement. Puis c'est sûr que si avec la médecine moderne, on cherche à étouffer le signal, donc par exemple, quelqu'un qui est déprimé va prendre des antidépresseurs, mais est-ce que ça va régler le problème qui fait en sorte qu'à la base, la personne est déprimée? Ou ce qu'on fait, c'est qu'on éteint le signal du déséquilibre, donc l'état dépressif, donc on masque le symptôme. Mais si le problème de fond n'est pas réglé, il risque de revenir par la suite. Ça, c'est au niveau psychologique. Au niveau psychique, ça, c'est au niveau psychologique. Au niveau physique, on a le même phénomène. Quelqu'un, par exemple, fait des mouvements répétitifs au travail et ça occasionne un stress chronique, par exemple, sur son poignet. Parce qu'il fait un travail physique, il travaille comme journalier, puis il fait souvent les mêmes mouvements lorsqu'il fait du travail à la chaîne avec la main. La personne a une douleur. Elle va voir son médecin. Son médecin, lui, à ce moment-là, donne un médicament antidouleur. Mais si la personne, le lendemain, elle refait le même mouvement physique au travail, ça ne règle pas le problème de fond. Donc, ça va masquer le symptôme, la douleur. Puis si la douleur augmente, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on augmente les mesures pour diminuer le signal du désajustement. Donc, on va augmenter la dose d'antidouleur. Puis si le corps s'habitue ben, à la médication, on augmente de plus en plus le dosage de la médication. Puis on peut la personne peut avoir des injections à la cortisone aussi. Elle peut prendre de la médication avec des opiacés dedans. Donc, il y a une gradation de plus en plus grande pour masquer le symptôme. Mais si fondamentalement, la personne n'arrête pas de faire le mouvement répétitif qui nuit à sa santé, elle va rester tout le temps avec la même problématique. Donc ça, c'est au niveau physique, puis en plus du niveau psychologique, souvent la médecine a tendance à corriger les symptômes. Et ça, c'est véhiculé par la science officielle, les universités. Ça a une utilité, OK? Si la personne souffre beaucoup, c'est bien de corriger les symptômes, mais c'est bien aussi de s'attaquer aux causes, aux éléments qui amènent ces manifestations symptomatiques. Puis souvent, la problématique dans le domaine de la santé, comme l'amener de ce que je comprenais de la vidéo. Là, c'est sûr que quand que je fais référence à des gens, vous vérifiez les sources au cas où que je ne déforme pas leurs pensées ou leurs propos. Ben, comme elle mentionnait Thierry Casanova, de ce que je comprenais du propos, c'est que si on voit la maladie comme étant le symptôme, ben, on n'agit pas au bon niveau. Quelqu'un, par exemple... puis les symptômes sont en relation, par exemple, avec des éléments qui sont malsains pour l'organisme humain. Quelqu'un, par exemple, développe une tumeur associée à un cancer, ben c'est en relation, par exemple, l'accumulation de déchets toxiques dans l'organisme. C'est pas la tumeur en tant que telle qui est le problème. C'est ce qui amène cette accumulation de déchets. Bon, ça peut être en relation avec l'association de plusieurs variables. Donc, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui s'alimente mal. Ça intoxique son organisme. Ça peut être une personne qui, par la suite, vit beaucoup de stress, gère mal le stress qu'elle connaît dans sa vie. Puis, c'est sûr que au niveau occulte, je me permettrais de rajouter, ça c'est pas mentionné par Thierry Casanova, ben, son degré d'astralisation. C'est sûr que présentement, la médecine conventionnelle, ce qui s'associe dans sa conception de la maladie à un paradigme matérialiste réductionniste, donc on réduit toutes les choses à la matière, c'est très limitatif parce que ça ne permet pas de comprendre la multidimensionnalité de l'être humain et d'agir sur cette dimensionnalité de l'être humain pour qu'il puisse retrouver la santé s'il a à le faire. Ça ne tient pas compte de l'astralisation. Souvent, on va parler de variables comme, par exemple, l'alimentation. Oui, ça a de l'impact au niveau physique. Les activités concrètes de la personne qui peuvent être porteuses de stress, que ce soit le rapport au travail, le rapport à la famille. Oui, tout à fait, mais il y a autre chose. Il y a, par exemple, le fait que si une personne est chevauchée par des entités astrales ou si elle nourrit des pensées qui nuisent à sa santé, dans sa psyché, elle vibre à la peur, ça va avoir de l'impact sur le corps physique, ça peut nuire à sa santé, donc il y a plusieurs variables. Mais pour en revenir à Thierry Casanova, ce que je trouvais intéressant dans sa vidéo, c'est qu'il était question que quand même qu'une personne se fasse enlever une tumeur cancérigène dans son organisme, si le terrain n'est pas changé, si on élimine cette manifestation, cette symptomatique-là, ça ne règle pas nécessairement le problème de fond. Puis c'est sûr que par la suite, la tumeur peut revenir. Si, par exemple, une personne est atteinte d'un cancer puis elle ne change rien à son mode de vie, c'est possible que par la suite, elle fasse une rechute puis elle ait une autre tumeur cancérigène. Puis des fois, il y a des cas où les personnes ont fait un cancer puis par la suite, ils refont un autre cancer et ainsi de suite. Donc, il y a des raisons derrière ça. Et c'est sûr que ça doit être investigué à plusieurs niveaux par rapport à des causes physiques qui peuvent participer à ça. Mais au-delà de ça, il y a une dimension occulte de l'être humain qui lui est voilée, qui peut avoir une incidence et qui doit être prise en considération. Donc, c'est sûr que c'est l'essentiel de mon propos. Puis c'est sûr que j'invite les gens présentement sont bombardés d'informations en lien avec le coronavirus dans les médias de masse, parce qu'on fait depuis plusieurs semaines, que ce soit au Québec ou dans d'autres pays, des bulletins de nouvelles qui mettent l'emphase là-dessus, sur la gravité de la situation. Il y a un effet de loupe médiatique, dans le sens qu'on parle, puis on parle du coronavirus d'une manière continuellement. C'est comme si c'était obsessif, présentement. C'était l'obsession du temps, le coronavirus. C'est sûr que, à quelque part, je participe à ça parce que dans les derniers temps, j'ai fait plusieurs vidéos en lien avec le sujet. Mais je mentionne quand même aux gens l'importance de donner des moments où vous pouvez faire une pause. C'est-à-dire que vous pouvez prendre du temps pour relaxer, vous intérioriser, être créatif, faire des choses que vous aimez. Si vous êtes confiné, vous pouvez avoir, par exemple, un plaisir de vie. Si vous avez du temps de plus aussi, comme par exemple de prendre un bain calmement pendant plusieurs minutes dans de l'eau chaude et visualiser que vous êtes dans le ventre de votre mère, dans un endroit calme, dans un endroit chaud où vous êtes en paix. Il y a plusieurs choses. Vous pouvez faire de la visualisation, de la méditation sur différentes choses, mais vous pouvez profiter du moment parce que, à mon avis, les répercussions en lien avec la crise du coronavirus, puis on pourra faire la rétrospective là, par la suite, là, risquent d'être plus importantes des retombées de la menace du virus que le virus en tant que tel. Mais ça, on pourra le voir par la suite dans le sens, est-ce que la menace du virus est réellement plus grande que celle d'une grippe saisonnière? Autre élément, est-ce que la menace du virus justifie que l'économie soit mise à terre présentement? Qu'il y ait plusieurs millions de personnes qui soient mises au chômage? Par la suite des médias non-stop qui nous parlent de ça continuellement, est-ce que ça justifie les mesures sociales qui sont prises présentement? Donc ça va être intéressant. Puis c'est sûr que tout finit par se savoir, dans le sens que lorsqu'il y avait eu, entre autres, en 2003, donc pour les gens qui sont un petit peu plus âgés qui m'écoutent, vous vous rappelez sans doute la crise qu'il y avait eu en lien avec l'Irak. Donc, ce qui est arrivé à ce moment, c'est que les États-Unis ont décidé d'envahir l'Irak, qui était dirigé alors par Saddam Hussein, en utilisant le prétexte du fait que l'Irak était un pays dangereux, un pays menaçant, parce qu'il détenait l'arme nucléaire. Donc, on nous a mentionné ça pour justifier aux yeux de la population que l'Irak devait être envahi. Puis c'était urgent, là. Ça pouvait menacer des pays de la démocratie avec cette arme dangereuse. Donc, sans délai et extrêmement rapidement, on nous présente l'information. Selon les autorités américaines, l'Irak dispose de l'arme nucléaire. Et tout de suite après, l'Irak est envahi. Et comme on nous a vendu l'idée que c'était une menace extrêmement pernicieuse pour les démocraties, eh bien, par la suite, l'Irak a tombé sous contrôle des Américains et on a réalisé que finalement, il n'y avait pas d'armes nucléaires et que ce n'était pas une menace réelle qui avait été utilisée comme prétexte pour nous faire accepter socialement que le pays de l'Irak soit envahi par les Américains. Mais, bien entendu, une fois que l'Irak a été envahi par les Américains, ils ne sont pas retournés en arrière, les Américains. Non. Ils ont resté en Irak, même s'il a été reconnu publiquement qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive présentes en Irak. Donc, ça a permis d'amener ça, même si l'information était erronée. Puis par la suite, celui qui a amené l'information erronée a continué d'occuper l'Irak. Et par rapport à la crise du coronavirus, on nous présente ça comme étant une menace incroyable, puis il faut agir rapidement, là, puis ça crée un stress, ça crée une tension sociale. Et c'est sûr que ça pourrait être utilisé comme prétexte par l'industrie pharmaceutique pour mettre de la pression sur les gouvernements pour acheter massivement des doses de vaccins pour faire face à la menace et d'autres menaces à venir. Donc, ça peut être utilisé par prétexte, par le lobby pharmaceutique qui a des intérêts financiers. Eux autres, c'est sûr, lorsqu'ils vendent des vaccins, ils font de l'argent avec ça. Donc, il peut y avoir des millions de dollars en jeu. Puis, il peut y avoir une pression aussi sur l'Organisme mondial de la santé pour justifier la vaccination obligatoire de chaque être humain sur Terre, étant donné que la menace que représentent les virus ou le virus actuel. Ça peut être utilisé pour ça. Mais est-ce que c'est réel? Puis à quel point? C'est ça, le questionnement que je soulève. Je dis pas que les virus n'existent pas, mais vous, ce qui est intéressant, c'est de poser la question, hein? Parce que si on le fait pas, puis on achète le discours sur le pilote automatique en écoutant les bulletins de nouvelles de tout ce qui nous est dit, ben à ce moment-là, on n'exerce pas notre esprit critique, puis on est dans la croyance aveugle, comme les gens autrefois au Québec étaient dans la croyance aveugle en la religion, et ça faisait en sorte que par la suite, les gens, en étant dans la croyance aveugle, ben ils ont été manipulés par la religion à différents niveaux. Et puis, c'est sûr que à ce moment-là, ça les a limités dans leur comportement, dans le sens que si la religion disait que telle chose, c'est péché, puis à ce moment-là, ils le faisaient pas. Puis, ils avaient peur de l'enfer, parce que là, s'ils n'agissaient pas en fonction de la religion, ben ils avaient peur de se retrouver en enfer, un lieu avec des flammes, lorsqu'ils vont décéder et d'y résider pour l'éternité. Donc, sous la peur, ils étaient prêts à accepter ça. Puis sans doute, sous la peur de la menace du virus, des millions de personnes présentement seraient prêts à accepter du jour au lendemain de se faire vacciner. Mais c'est de voir aussi, est-ce que la vaccination, c'est une solution qui va permettre d'une manière durable de régler la problématique de la menace de virus. Parce que si quelqu'un se fait vacciner pour quelque chose, comme par exemple l'hépatite B, puis la menace c'est un coronavirus avec certaines propriétés, ça le protège pas, puis il faut qu'il se fasse vacciner, il y a la rougeole, il y en a plusieurs vaccins, puis les virus peuvent changer avec les temps. Puis c'est sûr que de s'appuyer sur un vaccin, ben, ça garde la personne dépendante de quelque chose à l'extérieur d'elle pour la protéger. Dans le sens que la personne, si elle n'a pas son vaccin, avoir peur, puis là, la minute qu'elle a un vaccin, bien, elle peut se sentir sécurisée par rapport à une menace, mais elle reste quand même sous tension, parce que s'il y a d'autres virus qui émergent, ben à ce moment-là, ça va lui prendre d'autres vaccins, puis entre la période où elle entend parler de la menace d'un nouveau virus, puis qu'elle a le vaccin, ben elle peut vivre de la peur puis de l'anxiété. Donc, le vaccin peut apporter une sécurisation temporaire. Je dis pas que les vaccins sont pas efficaces. Oui, les vaccins peuvent avoir une utilité, je nie pas ça. Par contre, c'est de voir que, à quelque part, le vaccin rend la personne dépendante du complexe pharmaceutique pour trouver un état de sécurité. Par contre, c'est sûr que si la personne réussit à développer son système immunitaire d'une manière adéquate, ben, à ce moment-là, elle va avoir la force pour faire face au virus. Par contre, c'est délicat, la question du développement du système immunitaire, parce qu'une personne peut croire qu'il est bien développé, alors que ce n'est pas nécessairement réel. Puis là, il faut le savoir, puis pour le savoir avec objectivité, ben, ça prend de la centricité, ça prend de la transparence de l'ego, pour pas que l'ego se raconte des histoires. C'est délicat, puis c'est sûr que développer le système immunitaire avec force, c'est pas à portée de tout le monde, parce que ça peut impliquer de faire certains efforts, certains changements dans sa vie. Ça peut être de changer son alimentation, arrêter de manger de la nourriture industrielle remplie de produits chimiques, arrêter de manger de la nourriture qui est grasse, de la nourriture qui est anormalement sucrée, pour manger une alimentation plus à base de fruits, de légumes crus, avec le moins de transformation possible, parce que la transformation avec l'industrie alimentaire, favorise souvent la dégradation de la qualité des aliments en valeur nutritive. Ensuite, pour favoriser son système immunitaire, ça peut amener la personne dans un travail pour, par exemple, mettre en application les préceptes de la loi Dormais auxquels fait allusion Thierry Casanova. Vous allez pouvoir retrouver ça sur sa chaîne d'ailleurs. Donc, c'est sûr que la personne, ça peut être de développer, c'est sûr, une bonne santé physique avec l'entraînement physique. C'est si la personne développe son système immunitaire en étant capable de faire face au froid, à la chaleur, aux différents éléments. C'est un moyen de se favoriser. Il y a plusieurs choses, mais c'est sûr que à la base, d'être en santé, ça demande un effort. Puis souvent, les gens n'aiment pas ça, faire de l'effort, sortir de leur fauteuil puis de leur ordinateur pour aller faire d'activité physique ou revisiter son alimentation ou sa gestion du stress, son rapport, par exemple, au travail, son rapport à la famille, son rapport aussi à l'occulte. Mais ça, dans le domaine de la croissance personnelle, le rapport à l'occulte, l'esprit au plan astral, c'est pas abordé. Souvent, ce qui est plus abordé, ben, c'est ça, le rapport. Puis c'est vrai aussi, le rapport à la santé, ces choses-là. Mais ça peut demander un effort. Tandis qu'avoir un vaccin, c'est un petit peu comme la pilule miracle ou magique. La personne n'a pas à changer son mode de vie. Puis elle peut continuer les mêmes comportements qu'elle a, qui peuvent être nuisibles par rapport à sa santé. Donc, la personne peut dire « Ah, j'ai le vaccin. » Fait que je renforce pas mon système immunitaire, puis je passe mes soirées à parler avec du monde sur mon ordinateur, à écouter des vidéos. Donc, il y a des limites par rapport à ça. Je suis quand même assez critique ici. Est-ce que je suis parfait pour parler de tout ça? Non. C'est sûr que je suis capable d'être autocritique aussi par rapport à moi-même. D'ailleurs, j'ai eu la grippe au mois de février et j'ai vu à travers ça une occasion de m'amener à réaliser les failles que j'ai. Puis j'ai fait un article d'ailleurs sur Facebook là-dessus. C'est sûr, j'en avais pas parlé en détail là, sur ma chaîne à YouTube à l'heure actuelle, mais je peux quand même le mentionner pour les gens qui sont pas sur Facebook. J'ai fait un article avec transparence et autocritique par rapport au fait que de passer beaucoup de temps à étudier l'occulte et avoir des activités s'y rapportant, donc comme faire des enregistrements audio, discuter avec des personnes, être en communication avec l'esprit, m'a amené dans un état de déséquilibre, un état de fatigue qui a été propice à faire de moi le terrain pour avoir la grippe. Et ce qui est particulier par rapport à la grippe que j'ai eue, si je vous mets en contexte, c'est facile pour moi de m'en rappeler, c'était la date de mon anniversaire, le 1er février dernier, que ça s'est manifesté en soirée, en fait, pendant la nuit. Et pendant la journée, ben, j'ai passé du temps avec des membres de ma famille, puis là, je savais pas que j'allais développer la grippe, là. J'avais aucun symptôme particulier, et c'était dans la période pré-coronavirus où j'avais le droit de me rassembler avec des gens. Donc, dans cette ère pré-apocalyptique médiatique, j'avais fêté ma fête, il y avait ma compagne, il y avait mon frère avec sa compagne, il y avait ma mère, et il y avait aussi ma grand-mère que j'ai rencontrée. Ma grand-mère étant âgée de 96 ans et qui, dans son cas, a des problèmes cardiaques par rapport à la régularité du rythme de son cœur, donc elle est une personne fragilisée. Elle a d'ailleurs un pacemaker à cet effet. Et aucune de ces personnes-là, par la suite, ont été confrontées à ce que j'ai vécu, c'est-à-dire une explosion de la fièvre dans la nuit qui a suivi. Après ça, différents symptômes associés à la grippe, la fatigue musculaire. Ensuite, j'ai eu les poumons irrités dans les jours qui ont suivi. C'est une grippe particulièrement intense. Et ce que j'ai réalisé, c'est que la grippe, dans le fond, j'étais sans doute en période d'incubation dans les heures qui ont précédé. Pourtant, il n'y a aucune personne de mon environnement. Puis des gens, il y en a plusieurs là, qui ne l'ont pas eu. Fait que, tu sais, il y a quelque chose par rapport à la transmission. Puis j'ai parlé avec eux autres proches. J'ai même partagé un repas avec, à part ma grand-mère, mais les autres, j'ai mangé avec eux à la table à une distance de moins de 2 mètres. Donc, peut-être les gens vont dire, ben, ils ont été chanceux. Peut-être que je ne postillonne pas beaucoup quand que je parle, ce qui fait que ça n'a pas été contagieux. Mais tout de même, j'étais quand même à proximité avec eux. Puis c'est sûr que je suis capable d'être autocritique par rapport au fait que j'ai eu la grippe, je m'en suis sorti, mais j'ai eu à réaliser qu'à quelque part, j'ai à réajuster mon comportement. Puis ce qui est subtil, c'est dans l'ajustement. C'est par rapport au fait que c'est ma relation avec l'esprit qui devait être ajustée. La relation aussi avec les gens, me donner plus de temps de pause, parce que c'était une période où je travaillais en relation avec la sortie du livre, des transcriptions d'entretien que j'ai fait avec Berthold pendant plusieurs années. Et ça m'avait demandé quand même pas mal d'énergie par rapport à ça. Et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver, là, c'est sûr, sur mon blog, là, le document auquel je fais allusion. Mais j'ai eu à faire un examen de conscience. Et dans les derniers jours, j'ai fait un examen de conscience qui m'a amené à réaliser que lorsque j'ai été malade, c'était en relation avec des déséquilibres dans ma vie. Sinon, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un examen de conscience par rapport aux maladies qu'on a eues. Puis moi, je l'avais déjà fait, entre autres, au début des années 2000. D'ailleurs, je tiens un journal personnel en relation avec ma vie pour favoriser l'intégration des événements, chose que vous pouvez faire d'ailleurs à maison. Et puis, à un moment donné, au début des années 2000, je passais beaucoup de temps à étudier, puis de la lecture, puis j'en faisais plusieurs heures par jour. Et puis, je m'étais rendu malade. En lien avec ça, je faisais pas assez de sport, j'allais pas assez à l'extérieur, exposer mon corps aux rayons du soleil. Donc, ça m'a créé un déséquilibre à cause d'un surplus d'activité intellectuelle. Et ce qui m'a fait que j'ai été disponible à la maladie, puis j'ai attrapé un virus. J'ai été très malade, j'ai même été à l'hôpital, j'ai passé la nuit à une urgence d'un hôpital à Québec. Et par la suite, la situation s'est réglée. Mais ce que ça me dit intérieurement, c'est que je devais faire plus d'activités physiques, d'arrêter de juste centrer mon attention sur l'intellect. J'étais beaucoup à une époque où ce que je visais à accumuler de la connaissance. Et ça m'a amené à modifier mon rapport. Puis c'est de voir à travers la maladie des opportunités de réajuster sa vie, de se modifier en tant que terrain, puis de voir si la maladie peut être une occasion de nous alerter, d'attirer notre attention sur certains déséquilibres qu'on ne veut pas nécessairement voir. Parce que si la personne est dans le déni par rapport à une maladie, elle exprime une douleur. Que ce soit une douleur physique ou psychologique, ben, c'est sûr que la personne, elle peut masquer le signal, prendre des antidépresseurs, c'est une douleur psychologique ou sur le plan physique, des antidouleurs, mais si elle ne regarde pas la cause derrière ça, puis c'est en déni. Elle dit « Non, non, j'ai pas de problème. C'est un mystérieux virus qui m'attaque comme ça. Moi, je ne suis qu'une pauvre victime. » Ça, c'est un autre aspect. Est-ce que les gens, quand ils ont un virus, vont se définir comme étant une victime de la vie, des événements, où ils vont avoir l'ouverture de faire un examen de conscience pour regarder s'il n'y avait pas une responsabilité dans leurs actions qui a participé à les rendre disponibles au virus, aux problèmes de santé. Ça, c'est un autre aspect à prendre en considération. Et c'est sûr que, comme mentionné au début de l'enregistrement, je réitère mon invitation. Donc, c'est sûr que je vous propose de prendre en considération, en plus des médias de masse auxquels on est souvent exposé malgré nous, dans le sens que les médias de masse sont partout sur Internet, sont présents, omniprésents dans la société. On écoute la radio en voiture, on est exposé à ça. Ben, vous pouvez regarder aussi d'autres diffuseurs alternatifs, comme les noms que j'ai mentionnés, et vous allez avoir des liens de vidéos particulières que j'ai appréciées de ces différentes personnes, que ce soit Irène Grosjean, André Moreau, Jean-Jacques Crèvecœur, bien entendu, en bas de l'enregistrement présent. Et puis par la suite, ben, c'est sûr que ultimement, ben, je vous invite à revisiter votre vision de la santé, pas nécessairement à adhérer à la vision de la santé que je vous propose dans l'enregistrement présent, mais de regarder vous, personnellement, vibratoirement, qu'est-ce que ça vous dit sur le réel de la santé, de réel de ce qu'est aussi le coronavirus, pour faire allusion à la crise présente. C'est ce qui termine maintenant cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Bye bye.